بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. 20e conférence sur la science et ses mérites de Ahmed al-Mali hafidhahullah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن طلب علوم الشريعة عبادة بل هو من أجل العبادات وأفضلها. L'apprentissage des sciences de la religion est une adoration et c'est même parmi les meilleures adorations et les plus nobles. À tel point qu'Allah Azza wa Jal a relié dans un verset du Coran le témoignage des savants à son propre témoignage et à celui des anges sur la plus noble chose dont on peut témoigner, et qui est son tawhid, c'est-à-dire son unicité et son maintien de la justice. Allah a donc dit « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Ce verset nous montre le grand mérite de la science et des savants, car Allah les a cités eux seuls dans ce témoignage en dehors de tout être humain. Et il a mis leur témoignage comme l'une des plus grandes preuves de son unicité, de sa religion et de sa récompense. Et Allah nous dit dans un autre verset, « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama » Parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants le craignent. Donc plus le musulman connaît Allah et plus il le craint. Et Allah dit dans son livre à propos de ceux qui le craignent, radiyallahu anhum wa radu anhu, thalika liman khashiya rabbah. Allah les agrée et il agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Akhrajahu Abu Daoud min hadith Abi Darda. Les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar et ni dirham, mais ils ont juste laissé la science. Celui qui l'a saisi a certes saisi une part de bien abondante. Et il dit dans un autre hadith, « La hasada illa fisnatayn, rajulun aatahu allahu maalan fasullita ala halakatihi fil haqqa, wa rajulun aatahu allahu al-hikma, fahuwa yaqudi biha wa yuallimuha, rawahu al-Bukhari min hadith ibn Mas'ud. » Il n'est permis d'envier que deux types de personnes. Une personne à qui Allah a donné une fortune et qui la dépense dans la voie de la vérité. Et une personne à qui Allah a donné la sagesse, c'est-à-dire la science, et qui juge selon cette sagesse et l'enseigne aux gens. Et tellement que l'apprentissage de la science est important et noble, qu'Allah, le Créateur, a ordonné à la plus savante de ses créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander plus de science. Allah lui a donc dit dans le Coran, « Wa qur rabbi zidni ilma » et dit, « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. » Et c'est la seule chose dans le Coran, la seule chose mentionnée dans le Coran, qu'Allah a ordonné à son prophète de lui en demander plus. Il y a une augmentation en science. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, qui avait mémorisé environ 1 million de hadiths par cœur, nous dit à propos de la science, « Al-ilm la yardiluhu shay liman sahhat niyatuh. Qalu kayfa tasihu niyya ya Aba Abdillah. Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghayrihi. » La science, rien ne lui est égal pour celui qui a une bonne intention. Ils lui demandèrent, comment l'intention devient-elle bonne, ô Aba Abdillah? Il répondit, il faut que la personne ait comme intention d'enlever l'ignorance de soi-même et des autres. La valeur de la science, elle est donc immense. Et la valeur de la science, elle est ancrée même dans le cœur des ignorants. Tu trouves donc des gens qui ne sont pas parmi les gens de science, et pourtant ils prétendent en avoir. Et tu trouves des ignorants qui refusent que tu dises d'eux que ce sont des ignorants. Et Allah dit dans son noble livre, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Il est donc impossible que celui qui sait soit égal à l'ignorant, tout comme le jour n'est pas égal à la nuit, et que l'eau n'est pas égale au feu. Et même au stade des animaux, ceux d'entre eux qui sont dressés avec science ont un mérite sur les animaux sauvages. Allah dit, يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permis les bonnes nourritures, ainsi que ceux que capturent les carnassiers, c'est-à-dire les chiens, les aigles, les guépards et tout autre animal qui chasse avec ses crocs ou ses cerfs. Ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Et craignez Allah, car Allah est certes rapide pour les comptes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit à propos de ce verset qu'Allah a rendu le gibier, et ni la proie du chien ignorant, pareil à une bête trouvée morte, et donc interdite à manger. Et il a rendu licite la proie du chien dressé. Et cela aussi montre la noblesse de la science. Et Allah dit aussi, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les doués d'intelligence réfléchissent bien. الآية. Yarni, est-ce que celui qui a compris la religion de vérité et a œuvré avec est semblable à celui qui ne connaît rien de cette vérité et n'œuvre en conséquent pas avec? Il y a entre ces deux catégories une énorme différence, comparable à la différence entre les cieux et la terre. L'homme intelligent se doit donc de bien distinguer entre ce qui lui est utile et ce qui lui fait du tort, tout comme il distingue entre la lumière et l'obscurité, et il se doit de préférer la science à l'ignorance et de préférer l'au-delà à la vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم من حديث أبي هريرة. Celui qui prend un chemin pour y rechercher de la science, eh bien Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Que ce soit un chemin au sens propre, comme en voyage, ou au sens figuré, comme une recherche dans un livre d'une mas'ala, d'une question que tu recherches une réponse dessus, eh bien c'est compté vers un chemin vers le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, « Man yuridillahu bihi khayra yufaqihhu fid din » akhrajahu al-Bukhari wa muslim min hadithi Muawiyah. À quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Si Allah te donne de la compréhension de la religion, eh bien sois content et remercie-le. Car Allah par là, il t'a voulu du bien. Et Cheikh al-Islam a dit à propos de ce hadith, cela implique que celui à qui Allah ne lui a pas fait comprendre la religion, eh bien il ne lui a pas voulu du bien. L'apprentissage de la religion est donc obligatoire. Et la compréhension de la religion, c'est de connaître les règles religieuses avec ses dalils, yarni ses preuves. Et les sciences du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah et de la vraie croyance, l'aqidah sahiha, y rentrent dedans. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a écrit dans son livre authentique un chapitre sur le fait que la science passe avant la parole et l'acte. En se basant sur la parole d'Allah ta'ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah a donc commencé dans ce verset par la science en premier lieu. Et cette science qu'il a ordonné d'apprendre est la science du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah. Et c'est une science obligatoire d'apprendre à toute personne responsable, qu'il soit un djinn ou un être humain, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit riche ou pauvre, ou encore qu'il soit intelligent ou qu'il ait des difficultés dans l'apprentissage. Tous se doivent de l'apprendre, et personne n'est excepté qui qu'il soit. Et Ibn Abdelbar, rahimahullah, a rapporté le consensus des savants, Ijma' al-Ulama, sur le fait que parmi les sciences de la religion, une partie est obligatoire à connaître pour toute personne. Et c'est ce que les savants ont appelé en langue arabe, Al-Wajibul Ayni, ou encore Fardul Ayn, c'est-à-dire l'obligation personnelle. Et une autre partie est obligatoire selon le besoin collectif des musulmans dans un endroit donné pour l'application correcte de la religion. Si un nombre suffisant de musulmans se charge de l'apprendre, et en est d'apprendre ces sciences manquantes, eh bien, il n'est plus nécessaire que tous les gens de ce lieu l'apprennent. Et c'est ce qui est appelé fardul kifaya, c'est-à-dire l'obligation selon la suffisance. Et c'est comme par exemple la mémorisation du Coran, la mémorisation des hadiths, ou encore de connaître les règles du commerce et les règles de l'héritage. Ces sciences ne sont pas imposées à tout le monde. Et la preuve du fardul kifaya parmi les sciences est la parole d'Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a imposé à un groupe d'entre eux seulement de rester apprendre la religion en dehors du reste des croyants. Et cela, c'est en ce qui concerne fardul kifaya, c'est-à-dire l'obligation selon la suffisance. Il n'est pas demandé à chaque musulman de devenir un juge, un mufti ou un imam. Mais il faut qu'un effectif suffisant de musulmans prenne en main cette obligation, et à notre époque, il y a vraiment un gros manque dans ce domaine. Mais bon, commençons déjà par corriger nos propres manquements dans nos propres personnes. Il faut donc que l'on commence par se concentrer sur ce qui est fardul ayn alayna, ce qui est obligatoire à chacun d'entre nous, une obligation personnelle, que chaque personne se doit d'apprendre. Cette obligation consiste à ce que la personne apprenne ce qu'il ne lui est pas permis d'ignorer parmi les règles des obligations qu'Allah lui a ordonnées. C'est d'apprendre ce sans quoi il ne peut pas faire ce qui lui a été rendu obligatoire dans la religion. Comme par exemple le témoignage de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avec la langue et la reconnaissance du cœur. Ou encore comme la bonne manière de faire les ablutions, les grandes ou les petites, la prière. Et quand on dit la prière, c'est-à-dire de l'apprendre en détail, de connaître ses piliers, arkanus salah, ses conditions, shurutus salah, ses obligations, wajibatus salah et ses sunan. Il faut aussi s'instruire sur le jeûne du ramadan et toute autre adoration qui est obligatoire. Et lorsqu'on dit obligatoire, ça veut dire que celui qui le fait est récompensé et celui qui ne le fait pas mérite le châtiment. Et c'est différent du préférable, ce qui est mustahab. Ou celui qui le fait, il est récompensé, et celui qui le délaisse, eh bien, il ne se fait pas châtier. La science obligatoire, nécessaire à toute personne, celui qui la délaisse et s'en détourne, il mérite donc de se faire châtier. Il risque, dans la tombe, lors de l'interrogatoire des anges à propos de son Seigneur, de sa religion et de son prophète, il risque donc d'être parmi ceux qui répondront « Ah, ah, la adri, samirtu nas yaquluna shay'an faqultu. Ah, ah, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose » et j'ai dit la même chose. Celui-là, sa tombe sera attisée de feu, wal'iyadu billah, et elle se resserrera sur lui jusqu'à que ses côtes se croiseront, car il n'a ni su et il n'a ni cherché à savoir. Et il lui sera dit, la adraita wa la talaut, tu as ni su et ni lu. Ayyuhal ikhwa, il convient donc d'apprendre ce qui nous est nécessaire à chacun d'entre nous dans la religion, et de faire passer cet apprentissage avant l'apprentissage de ce qui est obligatoire au commun des musulmans selon le besoin. Il faut faire passer cet apprentissage à ceux qui nous est préférable d'apprendre, et à plus forte raison faire passer cet apprentissage avant toutes les pertes de temps, et ne parlons même pas de ce qui est haram. Car il est aussi obligatoire aux musulmans dans sa religion de faire passer le plus important et le plus avantageux en premier lieu. Lorsqu'il est face à plusieurs choses, le musulman doit faire passer le plus important et le plus avantageux. Et le dalil, la preuve, est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh au Yémen, il lui dit « Innaka taqdumu ala qawmi ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayh, ibadatallahi azza wa jal, fa'idha arafu Allah, fa'akhbirhum anna Allah farada alayhim khamsa salawatin fi yomihim wa laylatihim. » فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم رواه شيخان عن ابن عباس وعن معاذ. Tu te rends chez un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles, tu les prêches, soit donc l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils connaissent Allah, informez-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières réparties entre leur journée et leur nuit. Lorsqu'ils les accomplissent, informez-les qu'Allah leur a rendu obligatoire une zakat qui se prend de leurs riches et qui est remise à leurs pauvres. lorsqu'ils obéissent à cela, prélèvent donc d'eux et évitent leurs biens précieux. Donc par rapport à ça, par rapport à ce hadith, on se doit de catalyser nos efforts pour apprendre ce que personne n'est censé ignorer dans la religion, en ce qui concerne la bonne croyance et les règles des adorations qu'Allah nous a rendues obligatoires. Car Allah n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent et lui obéissent, comme il l'a dit dans son livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah dit aussi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. Rawahu Muslim an Aisha radiyallahu anha. Celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, eh bien cette œuvre elle lui est rejetée. Il faut donc apprendre comment bien œuvrer avant d'œuvrer afin que l'œuvre soit acceptée. Il n'est pas possible que l'homme fasse ce qui lui est obligatoire parmi les adorations d'Allah, comme Allah lui a ordonné, si ce n'est avec l'apprentissage de la bonne manière de l'adorer. Et la cause de l'égarement des chrétiens est leur ignorance. Donc de même que l'adoration d'Allah est obligatoire, l'apprentissage de son adoration est obligatoire. Et sache que Fardul Ayn min al-Ulum, yani ce qui est obligatoire parmi les sciences, sur chaque personne se répartissent en deux catégories. La première catégorie est celle des sciences auxquelles tout individu responsable est concerné, comme le tawhid, la bonne croyance, la prière, le jeûne et de s'écarter du shirk, c'est-à-dire de l'association à Allah et de tout autre péché. Donc toute personne responsable est concernée par ces choses et se doit d'apprendre la bonne manière de les accomplir. La deuxième catégorie de sciences obligatoires est celle des adorations obligatoires que tout le monde n'a pas forcément la capacité de les faire. Mais c'est selon la présence ou non des conditions qu'il va être obligatoire ou pas d'apprendre ces sciences. Comme par exemple la zakat. Celui qui a les moyens de la verser, il doit apprendre comment la verser, quand la verser, quel pourcentage verser, à qui la verser, etc. Ou par exemple le hajj. Celui qui veut faire le hajj, eh bien il se doit d'étudier les règles du hajj afin de l'accomplir correctement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. Et plus l'adoration est urgente à faire et plus tu dois la faire passer, plus tu dois faire passer son apprentissage avant l'apprentissage des autres adorations. Et certaines personnes pensent que dans la religion, il leur est juste obligatoire de faire 5 prières par jour à l'heure qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent. Et lorsque le mois de Ramadan il vient, eh bien ils jeûnent. Pourquoi ? Juste parce que les autres ils jeûnent. Et d'autres encore, ils s'imaginent qu'ils ont juste à prier la prière du vendredi une fois par semaine, ou encore juste à prier dans l'année la nuit du 27 de Ramadan. Là, l'islam, elle touche à tous les aspects de la vie. Et il y a beaucoup de règles, plus ou moins obligatoires, qu'il convient d'apprendre et de pratiquer afin d'avoir une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà. Et il fut dit à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ قَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَن نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِتٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. Votre prophète vous a tout appris, jusqu'à ce qui concerne les besoins. Il dit, en effet, il nous a défendu de faire face à la Qibla lorsqu'on urine ou on défèque, de nous nettoyer avec la main droite et de nous nettoyer avec moins de 3 pierres. C'est donc Allah qui a créé la création et c'est lui qui sait ce qu'il leur faut. Accepte donc en totale soumission ce qu'il t'ordonne de faire et apprends comment le faire. Surtout à une époque comme la nôtre, où les distractions, les passions et les mauvaises croyances sont vraiment très nombreuses et propagées. Il convient de sacrifier un temps pour l'apprentissage de la religion, afin d'adorer Allah sereinement. Et on dit, comme l'a dit Cheikh Mokbil, il faut que l'on se conseille les uns les autres la crainte d'Allah, et l'effort et le sérieux dans l'apprentissage de la science. Car c'est le chemin de la réussite à cette époque, et c'est ce avec quoi on peut distinguer entre le véridique et le menteur, et entre la guidée et l'égarement. Il faut que l'on se charge de sciences utiles et que l'on prenne soin d'acquérir les livres des salafs. Et j'en profite pour rappeler rapidement, ainsi qu'à moi-même, que la science ne doit pas être prise chez n'importe qui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Il a donc dit dans un hadith rapporté par Muslim d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. Il y aura à la fin de ma communauté des gens qui vous raconteront ce que vous n'avez jamais entendu, ni vous et ni vos pères. Prenez donc garde et qu'il prenne garde. Et dans une autre version, qu'il ne vous égare pas et qu'il ne vous tente pas. Il y a dans ce hadith une mise en garde claire contre les innovateurs et tout autre menteur. Et à notre époque, les sectes de l'islam sont très propagées. Il convient donc de ne prendre sa science qu'auprès de Ahl Sunna, les gens de la Sunna, qui puisent leur science du Coran, de la Sunna, sous la compréhension des salafs salih. Et ceux qui sont connus pour leur attachement à la vérité et pour leur véracité. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah, a dit « Wa ahlu sunna naqawatul muslimin wa hum khayrun nas linnas » Les gens de la sunna sont l'élite des musulmans et ils sont les meilleurs gens pour les gens. Et je rappelle aussi rapidement l'importance d'œuvrer avec sa science, car tous les mérites qu'on a cités de la science ne s'appliquent qu'à celui qui œuvre avec sa science. Et comme il a été dit, la science est comme un arbre dont les fruits sont les œuvres. Et celui qui n'agit pas avec sa science, eh bien il a une part de ressemblance aux juifs qui eux savent mais délaissent el ramal, c'est-à-dire l'œuvre avec leur science. Et le juste milieu, c'est donc que tu apprennes et que tu pratiques ce que tu apprends. Et c'est ça le chemin droit qu'Allah Azza wa Jal a cité dans la Fatiha. Allah a dit dans le Coran, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Cheikh Sa'di dit dans son tafsir à propos de ce verset que le droit chemin est un chemin clair qui mène à Allah et à son paradis. Et il consiste à connaître la vérité et à la pratiquer. Puis Allah dit après ce verset que vous connaissez tous, Sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits et qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ghayril maghdoubi alayhim, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et qui sont ceux qui ont connu la vérité mais l'ont délaissé comme les juifs et leurs semblables. Waladdallin, et non le chemin des égarés qui ont délaissé la vérité de par leur ignorance et leur égarement comme les chrétiens et leurs semblables. Donc avant que ne vienne un jour, le jour du jugement, qu'Allah nous a décrit ainsi, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront: vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Et voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez pas. On demande donc à Allah qu'il nous apprenne ce qui nous est utile et qu'il nous rende utile ce qui nous a appris. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.